faire la vaisselle, penser à sortir les poubelles. Sa belle pensée pense si souvent. En plus de ça, y a le boulot. Il faut mettre les courses dans le frigo. Isabelle pense plus à elle depuis longtemps. C'est ça, la vie d'une femme au foyer. 33 ans, un mari, 3 gosses et la routine qui s'est installée. Pour le dîner, des pâtes et pilules décachées. Puis pour baiser, tu peux le brosser, je vais me coucher, je suis claqué de ma journée. Non, non, non. Badabababababadabadab. Non. Isabelle n'a plus de vie sexuelle, sauf dans les tests pour femmes actuelles. Elle rêve constamment au prince charmant. En tout cas, c'est pas son mari, ce malotru, ce mal poli, qui ne la regarde même plus sauf quand il lui dit ma chérie, ce soir je rentrerai plus tard. J'ai des dossiers à terminer, mais ne m'attends pas, va te coucher. Ça, ça veut dire, ma chérie, ce soir je vais te tromper. Mais c'est pas grave, t'es habitué, t'as qu'à aller chialer dans le canapé. Bam, bam, bam, bam. Isabelle fait plus la vaisselle, elle sort encore moins les poubelles. Elle vit pleinement sa vie à 40 ans. Menace de divorce à l'appel, ce couple bat vraiment de l'aile. Isabelle prend en main ses sentiments. C'est ça, la vie d'une femme libérée. Isabelle s'est tirée avec la voisine d'à côté. J'ai passé les courses et les soirées télé avec Gisèle, la vie est belle, la vie est celle d'une femme actuelle. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam, bam, bam.